La ruse, une stupéfiante histoire vraie. Nous allons jouer un sale tour pour ridiculiser Hitler. Hitler devra croire que nous voulons envahir la Grèce. Nous allons devoir lui montrer des preuves. De fausses preuves, bien sûr. L'opération la plus ingénieuse des services secrets. Un cadavre portant de faux documents. Il faut commencer par... lui donner un nom. La supercherie qui doit tromper Hitler et changer le cours de l'histoire. Il est impossible de reculer. La ruse, avec Colin Firth, actuellement au cinéma. Bonsoir. Dans Autant d'emporte l'histoire aujourd'hui, une histoire de fantômes et de spiritisme. Édouard Buguet, le photographe des fantômes. Mais ne vous méprenez pas, cette histoire ne va pas nous entraîner, comme on pourrait croire, dans un château perdu en Écosse, avec tous les ressorts du genre. Portraits de familles poussiéreux, majordomes inquiétants, hurlements, coups dans le plafond, bruit de chaîne. Non, l'histoire que je vais raconter se passe en France, en 1874, en plein Paris. 1874, le début de la Troisième République. La guerre avec les Prussiens est finie, mais les Français ne se remettent pas de la défaite et de la perte de l'Alsace-Lorraine. Il faut tourner la page, reconstruire l'ordre moral. Pour expier les crimes de la Commune, une basilique dédiée au Sacré-Cœur est en chantier sur la colline de Montmartre. Un peu plus bas, dans le quartier de l'Opéra, quartier des journaux et des théâtres, une jeune femme, toute de noir vêtue, tente de se frayer un chemin dans la foule qui se presse sur le boulevard Montmartre. Elle s'appelle Marthe Fischer et s'apprête à rencontrer un fantôme. Autant en emporte l'histoire, avec Stéphanie Duncan. Guillaume Cuchet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien, un spécialiste du catholicisme et des attitudes devant la mort. L'histoire que je vais raconter dans quelques minutes, imaginée et écrite par l'écrivain Patrick Péchereau, c'est une histoire romanesque avec des personnages fictionnels, mais elle est basée sur des faits bien réels. L'affaire d'Édouard Buguet, dont il va être question, a bel et bien existé. Elle a défrayé la chronique au milieu des années 1870. Avant de commencer, j'aimerais, Guillaume Cuchet, que vous nous rappeliez un peu le contexte de l'époque. Je l'ai un peu évoqué à l'instant, 1874, c'est juste 4 ans après la chute de Napoléon III, la défaite face aux Prussiens, après la Commune, c'est le début donc de la Troisième République, une République encore pas très républicaine, on peut dire. Oui, on considère généralement que la République est vraiment devenue républicaine dans les années 1877-79. C'est à ce moment-là que les républicains, les vrais républicains de la veille, ont commencé à être maîtres des principales institutions, le Sénat, l'Assemblée nationale, puis la présidence de la République. Et donc on est dans cette période qu'on appelle l'ordre moral, qui est une période où la République est gouvernée par des gens de droite, qui sont souvent des monarchistes catholiques. Mac Mahon, président de la République, le duc de Broglie, président du Conseil, donc tous ces gens-là sont des catholiques, souvent d'origine légitimiste ou orléaniste, et qui attendent l'occasion de tordre le cou à la République d'une certaine façon. Et on veut expier les crimes de la Commune. Voilà, il y a ce double traumatisme qui est à la fois celui de la défaite et de l'amputation territoriale de l'Alsace et de la Moselle, et puis de la Commune et de sa répression sanglante avec un climat expiatoire qui est très caractéristique du début des années 70. En 1874, Guillaume Cuchet, c'est aussi, bon, pas juste cette année-là, mais c'est le boom de la révolution industrielle, c'est le 19e siècle, on ne jure que par les sciences et les techniques, on croit au progrès, c'est le règne de la raison. Oui, c'est même deux choses un peu différentes. C'est-à-dire qu'effectivement, la révolution industrielle déploie ses effets de transformation culturelle, vraiment depuis les années 50, 60. Le Second Empire a été une grande période de croissance industrielle. Et puis, c'est effectivement une période où, au sein du Parti républicain, des gens qui s'apprêtent à gouverner cette République, une idéologie positiviste, scientiste, commence à donner le ton, à devenir un peu la doctrine dominante. Et elle va se retrouver évidemment très en porte-à-faux par rapport à des doctrines comme le spiritisme qui vont s'épanouir dans ce procès. Oui, puis c'est l'époque quand même donc de la révolution industrielle, des usines qui se dressent un peu partout, c'est l'époque des trains, c'est l'époque des bateaux à moteur, enfin c'est quand même une époque aussi du colonialisme qui commence, enfin on est en plein développement économique. Oui, il y a une activité très intense, il y a des progrès techniques et technologiques très très rapides qui s'enchaînent et qui tirent un peu le tapis sous les pieds des contemporains qui sont émerveillés et un peu effrayés depuis des progrès dans les années 30, depuis la photographie, depuis le chemin de fer, la navigation à vapeur transatlantique, enfin le télégraphe électrique, et tout ça arrive un peu en cascade dans les années 1830-1850. Et la photographie, justement, où est-ce qu'on en est à ce moment-là ? C'est une technique très au point. Alors, la photographie est née à la fin des années 1830, en France principalement, et elle est devenue une pratique sociale très généralisée dans les années du Second Empire, dans les années 1850-1860, où il est devenu très courant d'aller se faire tirer le portrait dans des studios à Paris ou dans les villes de province. C'est la mode du portrait-carte, et la bourgeoisie, les classes moyennes, même les franges supérieures des milieux populaires commence à intégrer le passage par les studios de photographes, et c'est évidemment un élément de contexte important pour le procès de Buguet. Et puis c'est l'époque de Nadar, c'est dans le grand photographe, c'est dans son atelier d'ailleurs que va être exposé les premières toiles dites impressionnistes. Voilà, ben Nadar est un de ces grands photographes de l'époque, toutes les personnalités, toutes les stars de l'époque sont passées dans son studio se faire tirer le portrait par Nadar. Donc oui, c'est une des grandes figures de ce monde-là. Alors, cette deuxième moitié du 19e siècle, eh bien, d'après ce que vous nous direz tout à l'heure, j'imagine, c'est on n'a jamais autant pensé à l'au-delà dans cette deuxième moitié du 19e. On en reparle tout à l'heure avec vous, Guillaume Cuchet, dans une trentaine de minutes. Tout de suite, nous retrouvons Marthe Fischer, cette jeune femme vêtue en noir qui marche sur le boulevard Montmartre à Paris. Édouard Buguet, le photographe des fantômes, un texte spécialement écrit pour Autant n'emporte l'histoire par Patrick Péchereau. La réalisation est signée Cédric Ossire. Édouard Buguet, photographe spirit. Ouais, c'est ici. Mon Dieu, faites que personne ne me voie entrer. Faut-il que je sois folle ? Mais 4 ans depuis la disparition de Louis, je n'en peux plus. 4 ans sans même qu'on m'ait rendu son corps. 4 ans depuis cette guerre. 4 ans et ce télégramme porté disparu. Tout ce que l'esprit repousse est là, couché sur un imprimé réglementaire, certifié par l'autorité militaire, tamponné par un fonctionnaire habilité, porté disparu. Vous serriez le corps chaud de votre amour et vos bras se referment sur le vide. Disparu. Comme dans un cauchemar dont on ne peut s'extraire. Et pour que la disparition ait un sens, votre bel amour est déclaré mort pour la France. Alors que je sois folle, peu m'importe. L'armée a fait disparaître mon Louis. Pourquoi m'interdirais-je l'infime espoir de le revoir, même s'il n'est plus qu'une ombre sur une plaque sensible ? En ce jour de mai 1874, Marthe Fischer remonte le boulevard Montmartre. 4 ans après la guerre franco-prussienne, Paris a repris goût à la vie. Mais les cicatrices sont loin d'être refermées. La défaite sanglante, ses 140 000 morts dans les rangs de l'armée française, la perte de l'Alsace-Lorraine ont traumatisé le pays. Comme bien des veuves de guerre, Marthe ne peut faire son deuil. Dans sa poche, le télégramme reçu 4 ans plus tôt. J'ai la douleur de vous faire savoir que votre époux, Louis Fischer, a été porté disparu le 28 novembre 1870. À l'issue de l'assaut livré par sa compagnie à Beaune-la-Rolande. J'ai l'honneur de vous informer qu'il est déclaré mort pour la France. Beaune-la-Rolande. Dans cette bataille sans vainqueur, l'armée de Napoléon III a laissé derrière elle, en une journée, 1000 morts, 4500 blessés, prisonniers et disparus. Marthe ne peut accepter. Après avoir frappé à bien des portes, elle s'apprête à pousser celle de l'homme qu'on surnomme le photographe des esprits, Édouard Buguet. Madame ? Je voudrais... On m'a parlé de vos photographies. On m'a dit qu'elles pouvaient... Enfin, dans certaines circonstances, faire apparaître... Un être cher parti pour le royaume des morts ? Oui. Venez. Ne craignez rien. Je ne crains rien, monsieur. Et je suis peu encline aux fantasmagories, autant vous l'avouer. Vous ne trouverez rien de tel ici. J'ignore qui vous a conseillé cette adresse et ce qu'on vous a dit, mais pousser ma porte sans éprouver de réticence serait la marque d'un tempérament porté à la crédulité. Mieux vaudrait dissuader un tel tempérament d'aller plus loin. Vous n'aurez pas à le faire avec moi. J'en suis certain. Car voyez-vous, le spiritisme n'a rien de magique. C'est une démarche scientifique. La photographie en est l'illustration. Les lois de l'optique, de la chimie, de la lumière lui permettent d'enregistrer jusqu'aux images que l'œil humain ne peut percevoir. Et pour ce qui est de nos travaux, lorsque le contact médiumnique opère, bien sûr... Ah, le contact médiumnique ? Vous doutez de son existence ? Le doute est sain. Il est facteur de progrès. À condition, bien sûr, qu'il ne se confonde pas avec un refus de principe. De tels refus ont toujours entravé la marche de l'humanité vers sa libération. Édouard Buguet s'est établi à Paris après la guerre. Il y a découvert les étranges photographies réalisées aux États-Unis par William Hummler, qui révèlent des formes évanescentes semblant surgies d'un monde invisible. Le spiritisme est alors en plein essor. Après les tables tournantes, la photographie apparaît comme un nouveau moyen de communiquer avec l'esprit des morts. Pour Allan Kardec, le père du spiritisme français, une pareille découverte, écrit-il, si elle était réelle, aurait des conséquences immenses. Nous engageons toutefois à l'accueillir avec une prudente réserve. Il faut y regarder à plus de deux fois avant d'attribuer aux esprits tous les phénomènes insolites qu'on ne peut expliquer. Le successeur de Kardec, Pierre-Gaëtan Lemarie, ne partage pas la prudence du maître. Il charge Édouard Buguet de réaliser une série de photos médiumniques. Un protocole est établi, les photographies feront l'objet d'un contrôle exercé par des membres du mouvement et des experts extérieurs. Leurs conclusions seront publiées dans la revue Spirit. Les clichés de Buguet donnent des résultats stupéfiants. Les formes spectrales qu'il révèle sont inexplicables. Les expertises ne décèlent aucune manipulation suspecte. L'affaire déchaîne les passions, opposant adeptes du spiritisme et ceux qui les tiennent pour des illuminés. Prenez place dans ce fauteuil pendant que je prépare mes appareils. Vous venez vers moi à propos d'un homme, n'est-ce pas ? Oui. Votre époux ? Comment savez-vous ? Rien de surnaturel. Votre jeunesse et vos vêtements de deuil. L'alliance qui transparaît sous votre gant. Hélas, madame, tout en vous laisse deviner votre état. Louis a disparu à la bataille de Beaune-la-Rolande. Son corps, il n'a jamais été retrouvé. Et il vous arrive de penser qu'il pourrait être vivant ? N'a-t-on pas vu des prisonniers et des blessés frappés d'amnésie ? Ils sont néanmoins identifiés, madame. Leur uniforme, leurs insignes racontent une part de ce qu'ils ne savent plus exprimer. La bataille de Beaune-la-Rolande, avez-vous dit ? Il appartenait au 5e régiment d'infanterie, il y servait comme lieutenant. Son grade témoigne du dévouement à son pays. Abnégation, courage. L'uniforme devait être sa fierté. J'imagine sa prestance. Louis faisait son devoir, mais son tempérament ne le portait pas à la suffisance de ces militaires qui exhibent leur galon à la moindre occasion. La modestie et la pondération. Un maître de réflexion. Ah, madame, les êtres tels que lui sont trop rares. Dieu nous garde des culottes de peau. Mon pauvre Louis ne les tenait pas en grande estime. Il enseignait le manuel d'instruction comme il se doit, mais il avait d'autres lectures. Un homme cultivé. Goûtez tout. Les classiques, les contemporains, les poètes. Ouvert, fin, doux. Ah, que la guerre est cruelle qui emporte de telles natures. J'ai terminé mes réglages. À présent... Concentrez-vous sur votre époux. Concentrez-vous intensément, comme si vous l'appeliez mentalement. Bien. Restez dans cet état de concentration. Je vais moi-même y entrer. Nous fonctionnerons alors comme deux conducteurs électriques du fluide médiumnique. D'où vient ce froid ? Louis. Louis Fischer. Que se passe-t-il ? Chut. J'ai froid. Louis. Pensez à Louis. J'ai si froid. Louis. Louis, nous t'appelons. Louis. Le chemin fut si long. Louis ? Si long. Mon Dieu, qu'est-ce que... C'est fini. Le fluide. force est chaque fois plus éprouvante. Croyez-vous que... Oui. Si l'esprit de votre époux s'est manifesté, comme je l'ai ressenti, il aura impressionné mes plaques. Rentrez chez vous. Reposez-vous. Votre cliché sera prêt d'ici 4 jours. Me reposer. J'en ai besoin. Quelle expérience éprouvante. Il m'a semblé que mes nerfs se tendaient comme les cordes d'un piano. Quel homme étrange ce Buguet. De prime abord, rien ne le distingue d'un photographe ordinaire. Rien dans son atelier ne laisse supposer un quelconque décorum. Cependant, il y règne une atmosphère si singulière. Un sentiment indéfinissable vous saisit. L'angoisse, l'attente, la crainte, tout s'y mêle et vous submerge. Jusqu'à ce courant d'air glacé, dans la pièce, à l'instant où Buguet déclenchait son appareil. Et cette voix, mon Dieu, cette voix. Bon, alors Marthe, raconte. Attends, j'ai besoin de m'y retrouver. Tout s'est passé comme je t'avais dit. Je ne sais pas. Je crois, oui. J'en étais sûre. Et tu l'as senti, toi aussi? Quoi donc? Ce filet d'air comme une étole glacée qui t'enveloppe. Avant que Buguet me photographie, après la mort de mon pauvre Henri, j'avais jamais éprouvé une telle sensation. Rentrer chez moi, ma peau en gardait l'empreinte. Pourtant, je peux te jurer que le temps était estival. Les terrasses regorgeaient, les fiacres avaient décapoté, les fontaines Wallace s'étaient prises d'assaut. On n'avait jamais connu un aussi bel été. Eh bien, malgré ça, je grelottais. Il m'a semblé qu'un souffle froid m'effleurait avant de m'enrouler dans une étreinte de glace. C'est le signe. Le signe? Celui du périsprit. Le périsprit? Le plasma dont les esprits s'entourent, je t'ai déjà expliqué. Il tisse un corps gazeux dont les fibres sans consistance ont la froideur du gel. Oh, me regarde pas ainsi, ma chérie. On parle bien d'éther pour évoquer les éléments immatériels qui nous entourent. Bon, quoi de plus froid que l'éther? Pythagore le disait rempli d'âme. L'eau a coulé sous les ponts depuis Pythagore. Sa pensée n'en guide pas moins la science. Crois-tu qu'un esprit aussi éclairé que le sien s'accommodait d'ineptie? Oh, Jenny, bien des croyances hier respectables seraient aujourd'hui des inepties sur les professaient. Ouais, bien. Eh bien quoi? Poursuis ton raisonnement. Les croyances d'hier seraient aujourd'hui des inepties si on les professait et... Et quoi? Et ce qui semble aujourd'hui chimère peut être vérité demain dès lors que la science saura l'expliquer. La simple idée d'une photographie était inconcevable il y a seulement quelques dizaines d'années. Ma chérie, ta visite à Buguet montre d'ailleurs qu'un esprit rationaliste comme le tien ne saurait prétendre tout saisir. Et ne repousse pas a priori ce qu'il ne comprend pas. Né aux États-Unis dans le sillage des multiples églises protestantes qui y foisonnent, le spiritisme a rationalisé son discours. Passant des grandes terres aux centres urbains, il s'est adapté à son environnement. Le spiritisme n'est pas une religion, mais une science, proclame en France l'astronome Camille Flammarion. Dans un siècle où relativisme et positivisme se développent, il offre une réponse nouvelle aux questions sur la mort et l'existence de l'âme. La proposition spirit, montrer la survie de l'esprit après la mort et communiquer avec lui, intervient précisément à une époque où les découvertes scientifiques permettent d'approcher des univers jusqu'ici inaccessibles. États-Unis, Russie, Europe, le spiritisme essaime un peu partout, jusque dans les courants de pensée progressistes, socialistes utopiques, franges de la franc-maçonnerie, de la Ligue de l'enseignement, de la libre-pensée. Composite, éclaté, en butte à l'hostilité de l'Église, le spiritisme compte dans ses rangs de grandes figures laïques, comme en France, Camille Flammarion, Victor Hugo, Godin, Edison aux États-Unis, ou en Angleterre, le prix Nobel de chimie William Crookes. Me voici réduite à espérer qu'une plaque sensible révèle la présence de Louis. Quand Jenny m'a parlé des photographies spirites, j'avais mis son engouement sur sa douleur d'avoir perdu Henri, 6 mois après leur mariage. Et me voici pareille à elle. Tant pis. Tout vaut mieux que l'absence de Louis. Tout. Plutôt que ce poids qui m'oppresse. Cette déchirure qui me lacère, cette plaie qui s'ouvre, à peine la croit-on apaisée. Pour un pas dans l'escalier, un air chanté dans la cour, la douceur d'un matin. Tout me ramène à Louis, à son insupportable absence, et à la pensée plus insupportable encore de l'irrémédiable. Jadis, J'aurais soutenu que les spirites étaient déséliminés. À présent, je ne sais plus. On voit la médecine ramener à la vie des corps donnés morts hier encore. Alors, qui peut affirmer que l'incroyable ne réside pas dans le manque de connaissances que nous en avons ? Que l'impossible ne marque pas la limite actuelle de notre savoir ? Ainsi, tu es allé voir ce Buguet. Je ne te comprends pas, Marthe. Toi si sensée, si rationnelle. Rassure-toi, mon cher frère. Je n'ai pas changé. Je n'ai pas succombé à des spéculations fumeuses. Je ne suis pas devenue l'adepte de croyances morbides. On pourrait le redouter. Comment peux-tu accorder foi à ces sornettes ? Foi est un mot lourd de sens. Tu sais que la mienne est relative. Justement ? Justement quoi, André ? Depuis 4 ans, je cherche. Je cherche à comprendre pourquoi Louis est mort. Et même s'il est réellement mort. Je cherche à échapper à ce qui m'étouffe chaque jour un peu plus. Au doute qui me ronge, à la condition qu'on m'impose comme un carcan. La condition ? Quelle condition ? Celle d'une veuve de guerre. Je n'ai que faire de ce respect convenu, empesé comme une tenture funéraire. Il sent l'encens de la bonne conscience. Veuve de guerre ? Celle devant qui on s'incline, celle qui consent au sacrifice, celle qui porte son deuil en étendard. Je ne suis rien de tout ça. Je suis une femme dont on a pris l'amour. Crois-tu que la pensée de mon Louis disparu soit plus douce parce qu'il est mort au champ d'honneur ? Est-ce qu'on y pourrit moins ? Marthe. Je me moque de leurs honneurs, André. Je n'en veux pas. C'est Louis que je veux. Comprends-tu ? Louis vivant, je veux qu'on me le rende. Je veux sentir l'odeur de son corps, sa peau contre la mienne. Calme-toi, tu... Tu quoi ? Déraisonne, c'est ça ? Tu te retiens de dire le mot ? Non, mais non, je... Ah, tu préfères celui d'hystérique ? Soit, je suis hystérique. Marthe. Que vas-tu chercher ? Rien d'autre que ce que l'air du temps véhicule. Tu parles de sornette ? Eh bien, voici une belle et fort prisée, l'hystérie des femmes. Elle est connue, n'est-ce pas ? Il paraît que notre condition nerveuse est plus sensible, plus fragile que la vôtre, messieurs. En conséquence, nous avons toutes plus ou moins tendance à l'hystérie. Mais m'as-tu déjà entendu prétendre ? Allons ! Les beaux esprits si rationnels le professent comme une vérité. Ils te diront même que si les médiums sont souvent des femmes... C'est qu'elles sont par essence sujettes aux transes. Sorcières hier, hystériques aujourd'hui, la marche du progrès en somme. Marthe, j'essaie juste de protéger ma petite sœur contre ceux qui s'engouffrent dans le spiritisme pour en faire commerce. Et rassure-toi, André. Ta petite sœur n'a pas perdu la boule. Elle n'est pas davantage une douce colombe bonne à plumes. Douce colombe ? Oh non, ça je le sais. Si les préjugés d'une société patriarcale font de l'hystérie une affection spécifiquement féminine, Marthe se trompe sur les médiums. On dénombre dans leur rang presque autant d'hommes que de femmes. Ce qu'elle ne peut savoir, en revanche, c'est que le spiritisme représenterait une échappatoire à la domination masculine. Les femmes engagées dans le mouvement spirit trouveraient dans les transes médiumniques une forme de libération de la parole. Une émancipation renforcée par le statut professionnel dont bénéficient les médiums aux États-Unis. La situation est différente en France, mais les cercles spirites y sont largement ouverts à la mixité, ce qui ne va pas de soi dans d'autres milieux. Allan Kardec, figure tutélaire du mouvement, ne manque pas, par ailleurs, d'avancer des idées novatrices sur la situation des femmes. Madame ? Je suis Marthe Fischer. Je viens chercher une photographie de... Oui, je suis au courant. Monsieur Buguet m'a chargé de vous la remettre. Je suis son assistante. La voici. Merci. Cette silhouette. Ce visage-là, près du mien. Ce ne sont pas ceux de votre époux ? Si, c'est lui. Les photos médiumniques ne mentent pas. Oui. Pardonnez-moi, mais vous oubliez... Oh, je vous prie de m'excuser, je suis si troublée. 20 francs or, c'est bien cela ? Parfait. Au revoir, Madame Fischer. Au revoir. L'incroyable est donc possible. Ta photographie, Louis, c'est bien toi. Mais quelle image singulière. Tu es à la fois différent et semblable, si loin et si près. Enfin, tu n'es plus un disparu, puisqu'un peu de toi m'est rendu. Qu'importe si c'est par le jeu d'une image, on a pris ta vie, qu'on me laisse penser que des atomes de ce qui fut toi perdurent, qu'ils sont dans le souffle du vent, l'air que je respire, dans tout ce monde invisible qui nous entoure. Oh, Oh, pardon, monsieur, je ne vous avais pas vu. Je regardais une photo tout en marchant et... C'est impossible. Louis. Toi. C'est bien toi. Tu es revenu. Qui êtes-vous, madame? Louis, enfin tu... Je comprends. Ce bandage à ta tête. Tu étais blessé. L'hôpital. Pourquoi ne m'a-t-on rien dit? Je ne sais pas. Comme tu m'as manqué. Quand es-tu arrivé? Tu n'as pas de pactage. Comme tu es pâle. Oh, mais je t'étourdis. Viens, allons prendre un fiacre. Louis? Où vas-tu? Je vois. Le café de Madrid. Les souvenirs te reviennent. Les terrasses. Notre première rencontre. Je ne voyais que toi. Plus j'évitais de te regarder, et plus cela sautait aux yeux. Les yeux. Ils sont crevés. Que dis-tu? Dans la rivière, ses yeux, comme deux étoiles vermeilles. Oui. Deux étoiles liquides. Elles coulaient sur son visage blanc. Je vais aller à un fiacre. Tu as fait un long voyage. La fatigue, ta blessure... Les corbeaux piquent les étoiles de ses yeux. Son cheval mort sur lui. Sa crinière noire au fil de l'eau. Qu'est-ce que... L'aube se lève, pâle. Les haillons de nuit pendus aux arbres morts. L'assaut reprend. La brume déchirée par les tirs. Je ne distingue plus ses yeux liquides. Le soldat blond, si jeune... Je l'ai tué pourtant. Je devrais voir ses yeux. Qui vole les yeux des morts? La guerre, Louis. C'est la guerre qui a tué ce soldat, pas toi. Tu oublieras. Tu es de retour. Tu m'as retrouvé. Ils ont des médailles, Dieu. Des fourragères de crinière. Et des gants de peau blanche. Qui? De qui parles-tu? Les généraux. Ils paradent. Et nous sommes morts. Tu es vivant, Louis. Vivant. Nous sommes morts. N'aie plus peur. Tu es revenu. Je vais te soigner loin de ces horreurs. Elles sont là, dans ma tête. Elles grouillent. Des vers ont pondu leurs larves. C'est putréfié en moi. Je suis charpie. Fausse commune. Mon Dieu, Louis. Ne me regarde pas. Ma blessure ouverte, mon crâne fendu. Je dois m'envoler avant d'être charogne. Louis, ta tête... Ne me regarde pas. Qu'a-t-on fait à ta tête? Je dois rejoindre la lumière. Je serai là. Je serai dans la lumière. Louis! Marthe! Marthe! Oh, enfin, elle revient à... Ginny, que s'est-il passé? Où sommes-nous? On avait rendez-vous au café de Madrid. Quand je suis arrivée, tu venais de t'évanouir. Ces messieurs t'ont allongé sur la banquette. Louis. Oui, Louis. Ainsi, la photo serait celle de votre beau-frère. C'est incompréhensible, inspecteur Lombard. J'ai agi comme vous me l'aviez demandé lorsque je suis venu vous informer de ce que je croyais être une escroquerie sur ma sœur Marthe. Je me suis rendu chez ce Buguet. J'ai prétendu vouloir invoquer l'esprit de mon beau-frère. Nous étions certains que la photographie qui en sortirait révélerait l'imposture. Eh bien, ça peut paraître incroyable, mais le visage qu'on voit apparaître ressemble très portrait à ce pauvre Louis. Du reste, jugez-vous-même, je vous apportais un portrait. La ressemblance y est, en effet. Vous dites ne jamais avoir dévoilé votre identité, ni livré le moindre renseignement pouvant faire comprendre à Buguet que vous êtes le frère de Marthe Fisher. J'ai agi exactement comme vous me l'aviez recommandé. Vous aurez lâché quelque chose qui lui aura mis la puce à l'oreille. Rien. Commençant cela, cette photo et celle que Buguet a délivrée à votre sœur donneraient-elles à voir le même visage? Voilà bien ce qui me trouble. Allons. Les spirites ne sont pas tous des aigres fins. Serait-ce possible que... Libre à chacun de croire à ce qu'il veut, tant que cela ne nuit pas à l'ordre public. Il ne sait de quoi est fait l'au-delà, et même s'il en existe un. Mais Buguet est un farceur, et croyez-moi, je le prouverai. L'inspecteur Guillaume Lombard dirige le tout nouveau service photographique de la préfecture de police. Issu de la police politique, c'est en cherchant des connexions entre d'anciens communards et certains milieux spirites qu'il a découvert les photographies de Buguet. Soupçonnant vite une imposture, il s'est attaché à surveiller les activités du photographe et celles de Lémarie, directeur de la revue Spirit, à l'origine des photos médiumniques. Lombard doit cependant résoudre un problème. Aucun client de Buguet n'a déposé plainte. Devant l'impossibilité de démontrer la supercherie, et après l'échec de sa tentative menée avec le frère de Marthe, Lombard finira par se faire passer lui-même pour un client cherchant à entrer en communication avec l'esprit de son épouse décédée. Jenny ? Qu'y a-t-il ? Tu parais bouleversée. Entre, je t'en prie, entre. Mon Dieu, quelle histoire. Mais quoi ? Que se passe-t-il ? Ah, tu devineras jamais. Mais surtout si tu continues à ne rien me dire. Allez, assieds-toi. Reprends ton calme. Tiens, bois. Alors ? On vient d'arrêter Buguet. Hein ? On l'accuse de tromperie, d'escroquerie, que sais-je encore ? Il s'agit sûrement d'un complot. Un complot ? Oui, pour discréditer le spiritisme. Les ennemis du mouvement ne reculeraient devant rien. Les ennemis ? Pardi, ils sont légion. Mais ça n'ôte rien à la vérité. Henri, Louis, les photos, ce sont des preuves. Il faut défendre Buguet. Tu en es, n'est-ce pas ? Tu ne dis rien ? Tu... Marthe, mais ce sont bien nos hommes sur les photos. Henri, Louis, nous les avons reconnus. Du monde des ombres, ils nous ont fait signe. Marthe, ce sont eux. Ce sont eux, n'est-ce pas ? Alors, monsieur Buguet, la jolie veuve et son frère ont aimé leurs photos ? Le contraire m'aurait étonné. L'esprit de leur Louis était plus vrai que nature. Tu ne manques pas de culot. Au moins avec toi, les choses sont claires. Pour faire apparaître les esprits, encore faut-il en avoir. Ce n'est pas donné à tout le monde. Bientôt, tu feras moi le malin. De l'esprit, tu pourras en faire au Niouf, avec ton ami Lémarie, le grand chef de votre saint Frusquin. En voici au moins un que tu n'as pas blousé. Il peut raconter ce qu'il veut. La combine, il était dedans. Je n'ai abusé personne. Mes clients voulaient des photos d'esprit. Je leur en ai délivré et Lémarie les a certifiées. Tout le monde était content. De sacrés esprits, oui. On a trouvé dans ton labo le matériel qui te servait à les fabriquer. Mannequins, perruques, nécessaires à maquillage. Les vrais coulisses d'un théâtre. La vie est un théâtre. Un seul de mes clients a-t-il demandé à être remboursé ? Quelqu'un a-t-il réclamé ? Ça, je reconnais que tu as la manière pour entortiller. Je l'ai expérimenté. Vous faire passer pour un veuf et pleurer n'était pas très honnête. Je me suis longtemps demandé comment tu t'y prenais. Tu devrais faire breveter. Méthode Buguet pour tirer les vers du nez. À peine lâche-t-on un mot pendant que tu règles tes appareils, hop, tu l'attrapes pour tirer sur le fil qui le relie aux autres et dévider la pelote. La jolie veuve, c'était de l'anthologie. Tu l'as joliment fait causer de son lit. Tu as même failli avoir son frère. Hein. Chapeau. Hein. Sorti de chez toi, il jurait ne rien t'avoir raconté. Avec les informations que tu leur soutires à tes clients, tu n'as plus qu'à maquiller un mannequin, le photographier façon spectre et, comment dis-tu, en surimprimer l'image sur la leur, c'est ça ? Je crains de ne bientôt plus rien avoir à vous apprendre en matière de photographie. Moi qui comptais me faire embaucher dans vos services. Quand tu seras sorti du trou, pense plutôt aux baraques foraines. Buguet, le magicien. Les lois sont injustes. On ne reproche pas aux magiciens de faire commerce d'illusions. Tout de même, je me demande encore comment tes clients n'y ont vu que du feu. Vu leur pédigré, ce ne sont pas des imbéciles. Malgré ça, le fantôme que tu leur as fourgué, ils jurent que c'était celui de leur macabée. Ils ont tellement envie d'y croire. Je leur offre ce qu'ils attendent. Mes photos sont fausses. L'image que mes clients ont de leur mort est-elle plus près de la réalité ? Je ne fais que les conforter dans le souvenir qu'ils veulent garder. Pour eux, c'est ça qui compte. Je les aide à surmonter le deuil. Pour un peu, on te donnerait une médaille. Et pourquoi pas ? Le hic, c'est que je suis en avance sur mon temps. Mes photos sont comme la toile de ce monsieur Monet. Impression soleil levant. On la juge invraisemblable parce qu'elle n'a que de lointains rapports avec une réalité bien léchée. Ceux qui la traitent de barbouillage sont des imbéciles. Bientôt, on reconnaîtra le génie de ce Monet. Voulez-vous que je vous dise ? Je suis un impressionniste de la photo, moi. Et un bienfaiteur en plus. Tu ne manques vraiment pas d'air. Pourquoi dites-vous ça ? On ne vient pas me voir en quête de réel, mais pour avoir une illusion qui en soulage. C'est ce que j'offre. Tu offres. Justement, non. Tu vends. Au prix de mon travail, ni plus ni moins. Un client s'est-il plaint de mes tarifs? Non. Il pourrait être largement supérieur. Le rêve n'a pas de prix. Alors les miens, autant dire qu'ils sont donnés. Le rêve, songez-y. Le rêve. Arrêté le 22 avril 1875, Édouard Buguet est jugé 3 mois plus tard dans un procès retentissant. Lors de l'instruction, il a eu beau déclarer « Je ne suis ni spirite ni médium, mais simplement un photographe ayant des trucs plus ou moins habiles », ses aveux ne découragent pas ses partisans. Phénomène troublant. Ses anciens clients nient avoir été victimes d'une supercherie. Parmi eux figurent un président de tribunal, un ingénieur des arts et manufactures belge, un astronome membre du Panthéon de Rome, une comtesse britannique, un comte espagnol, un prince bavarois, un colonel d'artillerie à la retraite, commandeur de la Légion d'honneur, un diplomate américain. Tous continuent de prétendre que les photographies sont bien celles de leurs proches disparus. Buguet est condamné à 1 an d'emprisonnement. Poursuivi avec lui, les maris qu'il avait recrutés plaident la bonne foi, mais le tribunal en juge autrement. Il écope de la même peine. L'affaire porte un coup à la photographie des esprits, mais pas à l'activité de Buguet. Marthe, t'as lu le petit journal ? Buguet a été libéré. 1 an déjà ? Oh, quoi ? Ben là, tiens, lis toi-même, c'est à peine croyable. Le photographe a rouvert son atelier du boulevard Montmartre. Il y photographie toujours les fantômes, mais il prend soin dorénavant... Viens, on va voir par nous-mêmes. À quoi bon ? Nous en avons déjà assez vu. Viens, je te dis. C'est ici. La boutique n'a pas changé. Attention qu'il ne nous voit pas. Jenny, après tous ces mois, crois-tu vraiment qu'il se souvient de nous ? Et les photographes, ils connaissent les visages. Regarde la vitrine. Photographie artistique et amusante. Édouard Buguet vous fera voir l'invisible. Étonnez vos amis avec ses célèbres photographies de fantômes. Oh, mais c'est pas possible. Tout est possible, Jenny. Le monde change. Mais en être réduit à sa photographie amusante. Le malheureux, peut-être un jour lui rendra-t-on justice. Justice ? Il a servi de coupable idéal aux adversaires du spiritisme. Ses aveux lui ont été extorqués. Mais ça ne change rien. Nos photos, Marthe, ce sont celles de nos hommes. Oh, Jenny, Henri, Louis, nous les avons reconnus. Nous n'avons pas pu nous tromper. Ils sont là, dans nos cœurs, dans nos souvenirs. C'est là qu'ils vivent. Ils nous disent de vivre. Vivre, Jenny. Vivre. Viens à présent. À l'issue de l'affaire, l'épouse de Lémari avait publié un livre, Le procès des spirites, visant à rétablir l'honneur de son mari. Plusieurs personnalités lui témoignaient leur soutien et réaffirmaient l'authenticité des photos de Buguet. Le livre s'ouvrait sur une surprenante lettre du photographe. Il prétendait que ses aveux lui avaient été suggérés par la police lors de l'instruction. Un plaidé coupable devant lui assurer une peine plus légère que celle qu'il attendait s'il persistait à se dire médium. Dans sa lettre, Buguet déclarait que les 2/3 des photographies avec apparition d'esprit étaient vraies et qu'il avait usé de moyens factices seulement lorsqu'il était souffrant. Libéré, Buguet rouvrit son atelier. Il recommença à photographier les esprits, mais il prit soin d'inscrire son activité au registre des farces et attrapes. Il fit graver sur sa carte de visite « Édouard Isidore Buguet, photographe anti-spirit ». Farces et attrapes. Voilà donc à quoi se résumera notre histoire. Les dupes bernées par l'escroc ingénieux, les naïfs récoltant les fruits de leur crédulité. Mon pauvre Louis, ils ne comprendront décidément jamais rien. Bernés, nous. Bien sûr, eux sont à l'abri de leur raison. Leur belle raison qui les fait s'incliner devant les catafalques et bomber le torse quand passe un régiment. Je les laisse à leur simagrée et je laisse Buguet à ses combines. Le boulevard sent le printemps. Regarde. Au café de Madrid, on installe la terrasse. J'ai mis des couleurs à ma robe. Des couleurs que tu aimais tant. Un peu de toi flotte dans l'air, Louis. Tu me dis d'avancer. Et tu vois, j'avance. Édouard Buguet, le photographe des fantômes de Patrick Péchereau, avec Marthe, Gaëla le DVA, Édouard Buguet, Ismaël Ruggiero, Jenny, Barbara Bolotner, le frère de Jenny, Hector Manuel, Louis, Martin Amic, l'inspecteur Lombard, Thierry Pietra, l'assistante de Buguet, Claudine Charrère. Prise de son, montage et mixage, Julien Douminc et Amandine Grevoz. Assistant à la réalisation, Vivien de Meyer. Réalisation, Cédric Ossir. Dans quelques minutes, nous retrouvons l'historien Guillaume Cuchet pour parler du spiritisme au XIXe siècle. Watching Strangers Smile de Parquet Courts sur France Inter, Autant n'emporte l'histoire, est réalisé par Michel Biou, assisté de Christiane Alain Favre, programmation musicale Thierry Dupin, à la technique Serge Villiers. Guillaume Cuchet, étonnante histoire que celle d'Édouard Buguet. Est-ce que vous avez eu l'occasion de voir ces fameuses photos de fantômes qu'il a réalisées? Oui, alors j'en ai vu. On peut les trouver très facilement, d'ailleurs, sur Internet. Elles sont très accessibles. Et c'est d'ailleurs souvent de belles photos où on voit le client, en quelque sorte, et puis en surimpression, un esprit, l'esprit de des défunts présumés. C'est quoi ? C'est un, plus ou moins c'est un petit, une image un peu floue derrière, ça, c'est des images un peu floues, des silhouettes. Il avait toute une série de mannequins qu'il affublait de casquettes ou de chapeaux en fonction des informations qu'il avait pu recueillir dans la conversation préalable. Et comme on le voit bien dans cette fiction, effectivement, ce qui est extraordinaire, c'est qu'un grand nombre, on dit 50% à peu près des clients, reconnaissaient sans peine le défunt en question qu'ils étaient censés avoir évoqué. Alors ce Buguet, c'était un pur escroc, un âpre au gain, il faut dire qu'il était bigame, hein, il avait deux familles je crois, donc ça fait beaucoup de charges. Ou bien était-il quand même un artiste selon vous hein? Je crois que c'est pas incompatible, c'est à la fois un escroc et un artiste. Et il est bien retombé sur ses pieds d'ailleurs après avoir fait un peu de prison, puisqu'il a finalement persisté dans la photographie d'esprit, mais sur un mode plus ludique et plus franchement commercial. Et donc non, il avait un tas de talents. Bon, il a pas inventé ça parce que ça venait des États-Unis. Il avait un prédécesseur aux États-Unis qui s'appelle William Mumler, qui avait lui-même eu des problèmes avec la justice à New York et qui avait été blanchi lui en revanche en 1871. Et du coup ça avait donné des idées aux spirites français qui se sont dit, après tout, on pourrait nous aussi importer la pratique. Et lui a démarré là, dans les années 1873. Il y a vu tout l'intérêt commercial qu'il pourrait tirer de cette pratique. Comme il avait une certaine habileté technique aussi, il a optimisé ses talents. Alors, au-delà du cas Buguet, comment expliquer la mode du spiritisme en France à partir des années 1850 ? D'où ça vient ? Alors, le spiritisme est né aux États-Unis en 1848, dans l'État de New York. Ça a commencé par se généraliser sur place aux États-Unis pendant 4 ans, entre 1848 et 52. Et puis en Europe, on commence à en parler dans la presse dans les années 1852. On commence à parler de ce phénomène qui sévit aux États-Unis, mais personne n'imagine à ce stade que ça pourrait franchir l'Atlantique. Ça apparaît comme une particularité yankee. On regarde ça un peu de haut. Et puis, ça arrive en Europe en 1853, au printemps 1853. On peut dater ça de façon très précise. Hein. Ouais. Ça arrive par le port de Brême, qui était le grand port d'émigration. Ça arrive comme une épidémie, quoi. Exactement, comme une épidémie. Et on suit dans la presse, jour par jour, la diffusion de la mode à partir du printemps 1853. Et pendant un an, tout le monde fait tourner les tables en Europe, de la reine Victoria à Napoléon III, en passant par le moindre petit bourgeois de province. Tout le monde taquine la table à ce moment-là, y compris Victor Hugo, d'ailleurs, qui sera probablement le spirit le plus célèbre de l'époque. Et ça retombe un peu, la mode retombe, elle s'épuise au bout d'un an, en gros au début de la guerre de Crimée. On passe un peu à autre chose, la question d'Orient supplante la question des tables. Et à ce moment-là, le mouvement ne disparaît pas, mais il s'implante, et notamment en France. Et en France, il va vraiment trouver des conditions de développement formidables. Et la grande période du spiritisme en France, c'est le Second Empire, c'est les années 50-60. Et donc le procès de Buguet, arrive un peu en bout de phénomène, et c'est aussi probablement pour ça que les spirites français du début des années 70, à commencer par ce Lémary, qui était le directeur de la revue Spirit, se sont dit, après tout, cette nouvelle pratique pourrait relancer, en quelque sorte, l'intérêt public pour un phénomène qui était un peu déclinant depuis la mort, notamment, de son fondateur, Allan Kardec, quelques années plus tôt. Donc, le Lémary, votre avis, c'est un escroc aussi? Il y croyait ou... Non, je pense pas que Lémary soit un escroc. Lémary, c'est un croyant du système, directeur de la revue Spirit, héritier de... Il s'est fait avoir par Buguet. Oui, il s'est fait avoir, probablement. Il s'est fait avoir, et d'ailleurs, l'escroquerie de Buguet ne l'a pas guéri, si je puis dire, puisqu'il a considéré que, certes, il y avait des escrocs parmi les photographes spirit, mais qu'il y avait, malgré tout, de la photographie spirit authentique. Il y avait du vrai spirituel dans la photographie. Voilà, il y avait du vrai spirituel dans la photographie. Alors, comment expliquer, justement, on est quand même dans des sociétés très religieuses encore, comment les églises ont réagi, l'église catholique par exemple, on est quand même dans une période très catholique, comment ils réagissent face à ça? Eh bien, pas très bien. L'église catholique, elle a d'avoir condamné le spiritisme. Elle a fait ça un peu discrètement. Elle a mis les œuvres complètes d'Allan Kardec, le grand théoricien du spiritisme, à l'index, c'est-à-dire dans le catalogue des livres prohibés, dont la lecture était prohibée, en 1864. Donc tout est à l'index. Donc les catholiques n'ont plus le droit de lire les spirites à partir de cette date-là. Et en même temps, elle est, avec son flair anthropologique, elle a bien senti que il fallait occuper cette interface du rapport entre les vivants et les morts, que si les gens allaient dans cette direction, c'est qu'il y avait des attentes, il y avait des manques, et elle a essayé d'occuper le terrain, et avec succès d'ailleurs, et à mon avis, elle a contribué à siphonner un peu la clientèle grâce à ça, en relançant la prière pour les morts, et notamment ce qu'on appelait à l'époque la dévotion aux âmes du purgatoire, qui était une particularité catholique qui permettait de prier pour les morts, d'imaginer que les morts dans l'au-delà puissent faire quelque chose pour vous. Donc il y avait un système d'échange et ça a été extrêmement populaire au 19e siècle, à partir des années 50-60, et ça a contribué un peu à marginaliser la pratique spirite qui avait prospéré dans les années du Second Empire. Et comment expliquer quand même ce phénomène là, comme ça, au 19e siècle? Est-ce que c'est le fait de sociétés protestantes, justement, le fait que ça arrive aux États-Unis? Et pourquoi ça arrive comme ça? Avant, on parlait pas, on s'intéressait pas aux morts, on voulait pas leur parler? Alors si, les contacts avec les morts, il en est question déjà dans la Bible. Hein, la Bible déjà interdit justement la communication avec les morts. Hein, il y a un épisode célèbre dans l'Ancien Testament. Mais effectivement, il y a cette naissance en 1848 aux États-Unis qui a probablement des causes multiples. Il y a à la fois le fait que la presse y était déjà très développée, que ça a été un phénomène de mode, en fait, construit par la presse en partie au départ, et que l'une des difficultés du protestantisme, c'est son manque, je dirais, d'épaisseur anthropologique en matière de rapport aux morts. C'est-à-dire que dans le protestantisme, il n'y a pas le purgatoire, comme dans le catholicisme. Donc quand les morts sont morts, on ne peut plus rien faire pour eux. On ne parle pas beaucoup de l'au-delà non plus. Et on ne peut plus tellement intervenir dans leur destin. Et ce n'est pas un hasard, tout à fait un hasard, si effectivement c'est en contexte protestant, chez des protestants libéraux, souvent, qui étaient un peu brouillés avec leurs églises institutionnelles, que cette forme de religion des morts, qu'est le spiritisme, est née au milieu du 19e siècle. Et sur les femmes, alors, est-ce qu'elles étaient plus nombreuses que les hommes dans ces sociétés spirites? Alors, la particularité des sociétés spirites, c'est qu'elles sont mixtes, c'est-à-dire que les femmes y sont admises, à la différence notamment de la franc-maçonnerie. Par exemple, beaucoup de spirites français du milieu du 19e siècle étaient des francs-maçons, dans la franc-maçonnerie n'est pas mixte. Là, c'était mixte, d'autant plus que dans la mode d'étape tournante, il fallait faire alterner un homme et une femme dans la chaîne et on se touchait les petits doigts dans la pénombre. Follement érotique. Et voilà, donc c'était l'occasion de toutes sortes de prises d'initiatives intéressantes, mais... Alors, on a beaucoup dit, effectivement, c'est une thèse d'origine américaine, qu'au fond, le spiritisme aurait fonctionné comme un instrument de libération des femmes, de prise des paroles. Ça s'est développé un peu dans le cadre des gender studies aux États-Unis. Moi, j'avoue, personnellement, que je n'y crois pas tellement, à la fois parce qu'il y a autant d'hommes que de femmes chez les médiums. Parce que la prise de parole était très limitée dans le spiritisme français. Ce sont les médiums sont des purs instruments qui transmettent les questions qu'on leur demande de transmettre et qui transmettent les réponses. Au fond, leurs marges de manœuvre sont assez étroites et on voit pas très bien de quelle libération ou émancipation ça pourrait être le vecteur. Mais il reste que pour un certain nombre de femmes, la pratique spirite a pu être le moyen de prendre la parole sur un terrain religieux, y compris sur le terrain doctrinal, alors que la parole religieuse était plutôt masculine. Et là, il y a effectivement peut-être là, quelque chose de cet ordre-là. Merci beaucoup, Guillaume Cuchet. Je conseille la lecture de votre livre, Les voies d'outre-tombe, table tournante, spiritisme et société au XIXe siècle, dans la collection L'univers historique au Seuil, et plus récemment, Faire de l'histoire religieuse dans une société sortie de la religion, aux publications de la Sorbonne, et enfin, à lire également de Patrick Péchereau, l'auteur de la fiction d'aujourd'hui, son dernier roman, où apparaît le personnage d'Edouard Buguet, ça s'appelle Une plaie ouverte, c'est publié chez Gallimard dans la collection Série Noire. Autant n'importe l'histoire, c'est terminé pour ce soir. Cette émission était en nouvelle diffusion. Vous pouvez la réécouter, la podcaster sur notre site franceinter.fr où j'attends vos commentaires, bien sûr, ainsi que sur la page Facebook de l'émission. Dimanche prochain, nous partirons en Espagne en 1937, quand le pays est déchiré par la guerre civile. L'écrivain américain John Dos Passos, venu à Madrid apporter son soutien au corps républicain, part à la recherche de son vieil ami, l'écrivain espagnol José Robles, qui a mystérieusement disparu. Quand il découvrira la terrible vérité, Dos Passos se fâchera à vie avec son ami Ernest Hemingway. Dos Passos et la guerre d'Espagne, c'est dimanche prochain dans Autant n'importe l'histoire.